vilò de fè pwen, ou te toujou di pwen, sa ti pou genyen. Fòk ou serè pou li pon sote ye lòdan. Fòk ki te tu, sou table leve kwa mon te ye lòdan, ki te mwen jwi la vi an mwen. Gason wale ki le, nou toujou di je ri, nan an si tou bien nan apita. Tout le monde.